La tournée asiatique de janvier se poursuit avec des résultats des Français et des surprises un peu partout. On parle tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Et je suis, comme d'habitude, avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Déjà, je commence par une petite excuse de notre part à tous les deux pour le report de cet épisode. Mais voilà, on vous l'avait dit, je crois, il y a deux semaines. En ce moment, nos calendriers respectifs sont un peu compliqués. Donc, potentiellement, attendez-vous dans les semaines à venir à des épisodes qui sortent pas toujours le lundi matin. On va faire au mieux, évidemment, mais voilà, au moins vous êtes prévenus. Ça ne nous empêche pas de débriefer cette Indonesia Masters, le Super 500 de cette tournée asiatique de janvier. Après la Malaisie et après l'Inde, tout ce beau monde va en Indonésie, et tout ce beau monde en fait pas vraiment, puisqu'on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec le simple homme où il y a eu beaucoup d'absences, forfait de Vichitsarn qui était tête de série 1, Christy qui était tête de série 3, Naraoka qui était tête de série 5. Il y a eu beaucoup de blessures et de pépins physiques sur ce début d'année, et ça se poursuit, vous allez voir, en Indonésie. Et du coup, Benoît, je te lance assez généralement sur ce simple homme, ça ouvrait la porte à des outsiders, avec en plus, on va voir, Anton Sen qui était le meilleur joueur du tableau et qui a perdu très tôt. On a encore eu un tableau de simple homme où il pouvait un peu se passer tout et n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Le premier à qui on a pensé, c'est, on va en parler juste après, mais c'était forcément Arnaud Merclé dans ce tableau, parce que on s'est dit, ah, les têtes de série qui tombent, qui viennent pas. Shu Tianchen, du coup, se retrouver tête de série 1, qui est quand même pas dans la forme de sa vie en ce mois de janvier. Franchement, on s'est dit qu'il y avait moyen de voir un truc. Moi, je me suis surtout dit que Anton Sen, il y avait plus trop grand monde pour lui faire barrage. On en reparlera après parce que je sais qu'il a fait une vidéo sur le sujet et tout, mais globalement, les rares favoris qui sont venus, c'est pas vraiment eux qui étaient au rendez-vous, tu vois. Non, effectivement. Commençons par parler du vainqueur peut-être, et après on passera sur Arnaud normalement, notamment. Alouis Farhan qui va chercher le titre, il était tête de série 8. Lui pour le coup, il a respecté son rang. Hein. Il a perdu qu'un seul set sur la semaine, c'était au deuxième tour face à Wang Xingjing. Sinon, une promenade de santé à l'image de sa demi 21-11, 21-12 contre Xiu Zhen, et surtout de cette finale contre le Thaïlandais Taira Ratsakul, 21-5, 21-6. Benoît, on voit ça très rarement. Je te demandais juste avant d'enregistrer si tu pensais que le Thaïlandais était blessé, parce que il n'est pas censé, même si Farhan était favori, il n'est pas censé avoir un tel écart de niveau entre les deux. Donc on sait pas vraiment, mais du coup ça a donné un match vraiment très étrange. Ouais, le gars, en tout cas, on peut pas dire que son niveau c'est 5 et 6 contre Farhan, tu vois, les deux jours d'avant, il bat Lakshasen et Lokinyu. Donc forcément, la question, elle est légitime, on se la pose. Moi je te l'ai dit, j'ai pas vu de blessure apparente. Peut-être qu'il était complètement cramé, peut-être qu'il y a eu une blessure qui s'est réveillée, mais qu'il a quand même décidé de jouer cette finale, je sais pas. Après, j'ai rien à juger de cette finale. Ce qu'on peut se dire, c'est que c'est le titre le plus important d'Alouis Farhan. C'est son premier 500 chez lui. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la progression, elle est... Pour le moment, il n'y a pas de plafond de verre. La progression, elle est cohérente, constante, dans tous les compartiments. Et là, il va chercher un titre chez lui. Ça remonte quand même, parce qu'il était quand même le seul ou le grand favori indonésien sur ce tableau. Il est allé au bout. Plutôt bon signe, quoi. Ouais, Benoît, j'ai envie de dire, les scores qu'il met cette semaine, ils sont limite anecdotiques. Par contre, le niveau global qu'il montre là sur ce début d'année, on sent qu'il est en train vraiment de passer un cap, et je pense que c'est un peu ce qu'on dit notamment pour les Français quand ils commencent à gagner des titres, les Français du simple homme, c'est que je pense que ce 500, s'il poursuit sur cette progression, ce 500 gagné, on l'oubliera limite un peu vite, quoi, parce que c'est qu'une étape pour aller vers plus haut encore. Bah oui, à minima, aujourd'hui quand on voit le simple homme indonésien, je pense qu'il se rapproche très très fortement d'être le numéro 1, même si Christy, il est encore 4 au ranking, je crois, cette semaine. Mais quand on voit le niveau d'Alouis Farhan, si la saison... Je te dis pas qu'il va aller chercher tous les majeurs, hein, mais si les résultats sont ce qu'ils sont avec ce niveau-là, oui, il va très très vite monter, déjà dans le top 10. Parlons de son adversaire en finale, qui est quand même allé jusqu'en finale, alors que lui, pour le coup, autant on pouvait attendre Farhan à ce niveau-là, autant Terra Ratsakul, on n'aurait pas misé sur lui au début de la semaine. Il a battu des mecs confirmés, Li Chiao, Lakshya Sen. Alors, il bat Li Zijia, c'est un peu particulier, mais on va en reparler, mais le Malaisien est un peu sur un fil depuis son retour. Victoire très convaincante pour le coup, il n'était pas du tout favori en demi face à Lo Qingyu 17 et 17, même si voilà, il y a cette finale. Lui, pour le coup, c'est la vraie surprise de cette semaine en simple homme. Bah, la vraie surprise, parce que je crois qu'il était déjà numéro 2 thaïlandais, pardon, évidemment pas numéro 1. Mais surtout, il est plus jeune que ce que je pensais, parce que très honnêtement, je l'avais vu jouer une ou deux fois sans me poser vraiment la question. Mais il a juste 21 ans, donc assez jeune. Médaillé mondial junior il y a 3 ans, j'ai fait mes petites recherches parce que très honnêtement, j'avais pas trop de. J'étais là en mode je sais pas d'où il sort, j'ai l'impression qu'il avait 25 ans, qu'on l'avait jamais trop vu. Et en fait, non, pas du tout. C'est un joueur qui vraiment arrive là sur le circuit et qui le découvre à ce niveau-là. Compliqué de savoir ce que vaut vraiment le gars. Jusqu'aujourd'hui, c'était deux finales l'année dernière en Super 100. Là, finale en Super 500, c'est quand même un autre step avec ses deux plus belles victoires en carrière. Honnêtement, c'est prometteur. Voilà, je pense qu'en Thaïlande, il aura le temps. On va le laisser se développer parce que, hormis Kitsar, il n'y a pas non plus 8 gars de ce niveau-là. Voilà. Et c'est le frère jumeau de. Du partenaire de Taira Tanachai. Exactement, donc les deux ont 21 ans, donc deux bons espoirs pour la Thaïlande. Alors, on va quand même pas le commencer à le comparer à Vititsarn, parce que Vititsarn, c'est générationnel, mais au moins, avoir un mec qui commence à progresser en simple homme 2 pour la Thaïlande, c'est vraiment une bonne chose. Benoît Arnaud Merclé qui s'incline au premier tour malheureusement contre Yushi Tanaka. J'ai envie de dire, tirage pas facile, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Il joue contre un mec qui est 19e mondial. Lui, il est 37, donc voilà, 20 places d'écart. Est-ce que tu penses qu'on les a sentis sur le terrain, le français qui s'incline 21-18, 11-21, 21-16? Bah, moi, j'ai envie de te dire que non, parce que... Alors, je crois qu'il était 20, Tanaka, au moment où il se joue avec Merclé. Ça reste un top 20 mondial, tu vois. Donc, c'est pas offensant. Mais pour moi, encore une fois, et c'est parce que je vois Arnaud Merclé meilleur que son classement actuel, je trouve qu'il a rien à envier ou pas grand-chose à un Yushi Tanaka. C'est chiant de le prendre au premier tour, oui, mais il faut battre ces gars-là. Et je pense que c'est pas Arnaud Merclé qui va se cacher derrière ça. Et ouais, c'est une défaite frustrante parce que honnêtement, le match, les deux sets qu'il perd, c'est 18 et 16, il y avait la place. Surtout que Tanaka en quart, il perd 22-20, 21-16 contre Farhan, qui fait vraiment pas ridicule cette semaine. Farhan, d'ailleurs, Benoît, maintenant qu'on a parlé de ça, on peut parler un peu de toutes les déceptions ou des mecs que j'attendais un peu mieux, notamment Ayush Shetty qui a pris 8 et 13 contre Farhan. J'avais vraiment hâte de voir cette confrontation entre deux jeunes espoirs dès le premier tour, mais au final, il n'y a pas vraiment eu match. Et puis Antonsen et Lo Qingyu à des degrés différents, mais Antonsen qui perd au deuxième tour contre Xiu Zhen 21-13 au troisième, alors que normalement, il aurait dû avoir, vu les présents et les absents, il aurait dû avoir une classe d'écart entre lui et tout le reste sur ce tournoi. Ouais, alors après, je sais qu'il a fait une vidéo explicative sur YouTube. J'ai pas bien fait mon taf, je te cache pas, je suis pas allé la voir. J'ai l'impression quand même qu'il y avait des circonstances atténuantes. Je lui en trouverai pas tout le temps et on lui en trouve pas tout le temps dans le podcast, mais visiblement là, il y a eu un sujet. Mais oui, effectivement, quand tu vois comment le tableau était décimé, tu peux pas attendre autre chose que Antonsen qui va au moins en finale ou en demi. Abandon de Gamekeu, enfin forfait au premier tour, forfait de Ginting au deuxième tour. Benoît, Lo Qingyu, c'est pareil. Lo Qingyu, c'est un mec, il est pas mauvais, il est sympa, on l'aime bien et tout. Mais le mec ne gagne quand même, c'est depuis qu'il est champion du monde, il ne gagne jamais rien sur le circuit. Et encore là, il rate quand même une belle occasion il fait même pas finale, quoi. Et, alors quand je dis il gagne jamais rien, de temps en temps il en gagne un, mais tu vois, genre, c'est le genre de 500 où là, il devrait/pourrait faire quelque chose, quoi. Oui, je peux que partager. Et moi, en fait, surtout, je me souviens d'un truc là en t'entendant. C'était Chen Long qui avait dit que lui, il voyait vraiment beaucoup plus qu'un champion du monde, pas par hasard, tu vois, mais qui fait la semaine de sa vie. Et très honnêtement, tu vois, la saison dernière, je crois qu'il gagne 1-300 sur la saison. Globalement, il gagne un tournoi par an ces deux dernières années. Avant, c'était son titre mondial. C'est pas au niveau des attentes. Après, c'est un top 10 mondial. Tu vois, là, il va encore chercher des points. Il est à son niveau, mais il n'est pas au niveau auquel on a pu imaginer qu'il montrait. Ça, c'est sûr. Et c'est une déception quand, sur une semaine comme ça, bah, il se fait taper par un mec, oui, qui est bon cette semaine, mais tu vois, qui doit battre tous les jours. Et Benoît Choutien-Chen, alors, OK, il fait quart, mais on l'a sur des 500 comme ça, en fin de tournée. Souvent, c'est un peu là qu'il est bon, Choutien-Chen. Il perd 13 et 18 contre ouais. Lokinyu, justement. Est-ce qu'on attend un peu avant de s'inquiéter de ce début de saison pas ouf? Est-ce que là, je commence à le rattraper? Je sais pas. J'ai aucune analyse à te donner. Enfin, genre, tu vois, la saison dernière, je me souviens qu'on s'était fait la même remarque quand il avait fait 4 tournois pas ouf d'affilée. Mmh. Et derrière, oui, il joue quand même 150 matchs dans la saison et il est pas si mauvais. En plus, pour le coup, son quart de finale, c'était le pire pour les têtes de série parce que c'était le seul où il y avait 2 têtes de série. Bon, voilà. Mais en fait, peut-être qu'il a pas assez de matchs dans les jambes cette année. Je pense une fois qu'il aura 50 matchs dans les jambes, Choutien-Chen, il sera de retour à son prime. Et Benoît, je sais pas si tu veux dire un mot de Lizzie Jia qui perd face au futur finaliste à Errara Tsakul 15-21, 21-17, 21-8 au deuxième tour. Il a gagné un match contre Pranoy au premier tour dans un match un peu des anciens, même s'il est pas si vieux malheureusement, Lizzie Jia. Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que on le laisse un peu loin des radars pendant quelques mois le temps qu'il puisse jouer des matchs et après on voit où il en est? Ouais, je pense qu'il y a ça. Quand on voit qu'il s'aligne en Thaïlande cette semaine, très clairement, c'est pas le mec qui a la confiance et le niveau pour aller gagner des Super 1000 là tout de suite. Donc laissons-lui un peu de temps. Je pense que des matchs il va en regagner. Je sais pas comment il est lui, mais je suis pas. Enfin, il a pas non plus montré des trucs affligeants. Est-ce que tu rajoutes quelque chose sur le simple homme, Benoît? Non, écoute. Eh ben, on enchaîne donc avec le simple dame. I'm the bad guy. Take that! Simple dame remportée par Chen Yufei face à la très jeune thaïlandaise Pichamon Opatniput, 19 ans seulement, c'est une 2000, elle vient de fêter ses 19 ans il y a deux semaines. 23-21, 21-13. Benoît, un match que j'ai trouvé assez sympa. Globalement, en simple dame, il y a eu des matchs vraiment pas mal cette semaine, même si le score le montre pas tout le temps. Et là, on a eu un très beau premier set et Chen Yufei qui a été, comme souvent, on la découvre pas, Chen Yufei patiente, qui a laissé passer l'orage, qui a laissé passer les coups. Je peux le dire, un peu venu d'ailleurs de Opatniput parfois, qui sort des trucs, on ne sait pas trop comment. Mais l'ancienne numéro 1 mondiale, elle est restée dans son match et elle a déroulé en fin de deuxième. Ouais, c'est ça. On sent quand même qu'il y a un niveau d'écart sur la maîtrise, sur la gestion. Moi, honnêtement, j'ai pas grandement kiffé ce match, mais parce que Opatniput a aussi un style assez marqué. Pas forcément le plus spectaculaire, même si elle a une main assez folle. Chen Yufei, elle va chercher un titre qu'elle doit aller chercher, qui va lui faire du bien, je pense. Elle a besoin de jouer, de gagner. Et ça a été le cas. Opatniput, on en avait parlé dans le bilan, je crois, bilan et prévision de 2025. Elle est déjà en train de répondre aux attentes alors qu'on est en janvier. J'aime bien. Peut-être qu'on en parlera un peu plus en détail dans d'autres épisodes à venir cette saison. Mais c'était la grande rivale de Tomoka Miyazaki chez les juniors. Et moi, je trouve que la progression est peut-être presque plus intéressante que Miyazaki, en tout cas au niveau du développement du jeu. Miyazaki, elle est arrivée très vite dans le top 10 mondial, mais au niveau du développement du jeu, je vois beaucoup plus d'évolution, moi, entre les juniors et aujourd'hui chez Opatniput. Et Benoît, en plus, elles se sont jouées cette semaine et ça a été un match à sens unique. Je sais très bien pourquoi tu m'amènes là-dessus. allumé 21-10, 21-13. Benoît, un peu pareil que le Farhan Chetty. C'est un match, je me dis, oh là là, deux joueuses de la même, du même âge. Je pense que c'est leur première confrontation, c'est les seniors, si je ne me trompe pas, j'ai envie d'aller voir. Et 21-10, 21-13, Miyazaki est un peu dans une sale période quand même. Après, on va repartir sur Chen Yufei, mais on peut peut-être s'arrêter sur ce match. Ouais, après je m'arrêterai pas à ce score-là, tu vois, parce que Miyazaki, il a quand même pas écrasée, mais elle a quand même dominé chez les juniors. Elle est montée très vite. Il y a le plafond qui est arrivé. Au Patnit Pout, ça viendra peut-être. Mais c'est vrai que dans le jeu, ça, peut-être la progression de Miyazaki est plus lente et tout, l'adaptation. Mais ouais, c'est, enfin, le, en tout cas, j'espérais mieux de ce match et j'ai pas eu ce que j'attendais. Benoît, pour Chen Yufei, j'ai pas grand chose à rajouter. Elle avait déjà gagné ce titre en 2022. Là, elle va en chercher un deuxième. Ouais. Et en fait, elle perd pas un set sur la semaine, Mais en fait, à partir du moment où elle s'alignait sur ce tournoi, tout autre résultat qu'une victoire aurait été un échec. En fait, c'est ça qui est un peu dur. Oui, bah c'est le même constat qu'Anton Sen, par exemple. Quand on voit, avec les désistements. Sauf que la différence, c'est que Chen Yufei, elle va au bout. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, mais n'empêche. Elle fait le job, il y a personne qui l'a réellement mise en danger, moi je trouve, malgré le 24-22, tu vois, contre Okuhara ou le premier set de la finale. Très solide, mais peut-être pas l'adversité nécessaire aussi pour la pousser dans ses retranchements. Benoît, la semaine dernière, on disait que Chen Yufei, elle était peut-être pas au niveau auquel on pouvait attendre depuis son retour à la compétition il y a un peu plus d'un an maintenant. En vrai, on savait, c'est un peu comme Yamaguchi, on sait qu'elles peuvent battre à peu près tout le monde sur le circuit, sauf Wang Zi et Han Se-young. Et du coup, à partir du moment où les deux joueuses que je viens de citer n'étaient pas là, même si elles gagnent ce tournoi de manière assez convaincante, Chen Yufei, notre analyse va pas vraiment changer. Enfin, en tout cas, la mienne, et je pense que toi aussi. Bah, du coup, non, tu vois, j'aurais aimé l'avoir face à une Michelle Lee, peut-être, mais ou une joueuse qui est vraiment en forme en ce moment pour voir ce que ça donnait. Mais ou Wardani d'ailleurs, dont on parlera juste après, mais tu vois, on a pas eu droit à ça. Encore des blessures malheureusement, et des abandons, celui de Kate Tong au deuxième tour contre sa compatriote Intanon, et ensuite Intanon contre Okuhara en quart de finale. Il y avait pas mal de championnes du monde, mine de rien, dans ce tableau, dans cette partie de tableau, surtout puisqu'on avait Intanon qui a perdu contre Okuhara et Chen Yufei qui a battu Okuhara et Sindhu. Benoît, peut-être Nozomi Okuhara, ces derniers temps, pendant un moment, moi j'ai cru qu'elle allait arrêter fin 2025, clairement tellement ça devenait compliqué de gagner des matchs, même si sur le circuit, on va dire secondaire, elle est allée gagner des Super 100 en Asie notamment, là c'est quand même un 500. Et j'ai trouvé pas mal, elle bang bang room fan, alors Intanon qui abandonne, mais surtout contre Chen Yufei, je l'ai pas trouvé ridicule. Je pense qu'elle, alors le mérite dans le sport c'est toujours particulier, mais elle aurait pu mériter d'aller au troisième set tant elle a sauvé des volants de match contre Chen Yufei. Et bon, après évidemment Chen Yufei s'est mis en mode mur, elle proposait plus, je vais pas dire plus grand chose, mais elle a fait du Chen Yufei qui fonctionne, quoi, c'est-à-dire le style pas spectaculaire. Mais ouais, Okuhara, j'ai trouvé pas mal cette semaine. Ouais, bah il faut espérer que ça. J'ai envie de te dire, elle arrive à enchaîner aussi parce qu'elle a été pas mal embêtée la saison dernière. Maintenant, oui, on s'attend pas à revoir Okuhara 2017-2018 non plus, mais je suis d'accord que la saison dernière c'était vraiment dur de la voir au niveau où elle jouait, quoi. Mais tu vois, la génération 95, c'est-à-dire les Sindhu, Okuhara, Intanon, mine de rien, ça ne nous rajeunit pas nous-mêmes, mais elles ont 30 ans. Et oui. On ne voit pas tant que ça. Alors, 30 ans, évidemment, ce n'est pas vieux. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on ne voit pas tant que ça des joueuses de plus de 30 ans, de 30 ans et plus sur le circuit de Simple Dames. C'est pour ça qu'on parle des Michelle Lee, des Zhang Beiwen, qui ont plus 34-35, parce que, mine de rien, ça se voit un peu moins que chez les hommes, où souvent les joueurs durent un peu plus longtemps. Benoît, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur ce tableau de simple dames. Un peu déçu, je l'ai vite fait mentionner, je vais le mentionner une seconde fois rapidement. Très déçu de Wardani sorti au premier tour et de Michelle Lee sorti au deuxième. Alors face à la Michelle Lee face à la future finaliste, mais quand même déçu de ces deux perfs-là, j'espérais les voir au moins s'affronter et j'ai même pas eu ça. Ouais, c'est vrai que c'était pas dingue. J'ai pas grand chose à rajouter. Pareil, cette partie basse de tableau, c'était un peu le bazar. Et du coup, en demi-finale, c'est aussi pour ça que ça a été un peu plus facile pour Chen Yufei, c'est qu'en demi-finale, elle était la seule tête de série, ce qui arrive quand même pas souvent en simple dame. Allez, on file vers le double homme. Aimez-vous le badminton? Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Voilà, j'espère que les autres pays ont bien kiffé, puisqu'à partir de maintenant, dans cet épisode, c'est la Malaisie qui prend tout. À commencer par ce double homme. Go Izzudin, tête de série 4, qui battent les Indonésiens Indra Roakin 21-19, 21-13. Benoît, on va reparler un peu des parcours des deux paires assez rapidement. Pour Go Izzudin, victoire assez, on va dire, convaincante. J'ai envie de dire, j'ai à limite envie de dire à l'expérience, parce que les Indonésiens étaient un peu tout feu, tout flamme dans le premier set, mais ils le prennent pas. Et derrière, un deuxième set à sens unique. Et ça peut leur faire du bien à Go Izzudin, parce que depuis, c'est leur premier titre depuis l'India Open il y a un an, tout début 2025. Et après, ils ont eu une année 2025, somme toute, compliquée. Là, c'est entre guillemets que un 500, mais ça peut peut-être un peu les remettre à l'endroit quand même. Bah déjà, ça les remet à l'endroit par la victoire. Le niveau de jeu, on peut en discuter. Mais moi, je les ai trouvés très sérieux dans cette finale. J'ai eu peur qu'ils se fassent, un peu enflammer. Ouais, moi aussi. Dans le premier set, ça a été un peu le cas. Hein. Mais ils ont quand même toujours bien maîtrisé. Et franchement, c'est les Go Izzudin, on va pas se mentir. Alors, qui était numéro 1 mondial, oui, mais on peut discuter de ça. Mais en tout cas, c'est le Go Izzudin qu'on aime voir, moi, je trouve. Oui, c'est clair. Pareil, je me suis dit, ils vont prendre la furia de deux mecs qui tabassent tout et qui ont un public derrière eux. Et pour le coup, ils ont été bons, les Malaisiens, même si voilà, ils ont mangé des grosses attaques, ils ont été solides. Et après, les Indonésiens ont quand même eu un bon gros trou d'air qui leur a coûté très cher. Après, ils sont très jeunes, très grosse fin de saison 2025. Ouais. Franchement, un peu sous les radars, parce que c'est pas eux qu'on surveille aujourd'hui avec le niveau de certaines paires dans le pays. Mais c'est quand même intéressant, Indra Roakin, quand même. Ouais, 20 ans, je me souviens, on avait parlé d'eux dans notre débrief de l'Australie, où ils avaient battu Alfian Fikri, qu'ils ont encore battu d'ailleurs en demi-finale. Et ils ont battu Gautama Isfahani en demi. Benoît, dans un double homme indonésien qui est si chargé, faire une finale et en plus en battant deux des paires largement meilleurs que toi au classement de tes compatriotes, c'est pas anodin quand même. Non, je suis d'accord, c'est pour ça que je suis un peu avec plus d'attention ce qu'ils vont faire. Il y a eux, mais en mix, tu vois, pour moi ça correspond un peu à un renouvellement avec Hidayatullah, Pasaribou, et d'autres paires un peu, tu vois, qui arrivent, qui sont très jeunes. Je sais pas ce que ça va donner, je suis pas capable de te dire, parce que chez les juniors, c'était pas des paires, c'était des paires qui étaient là, mais qui ont pas ultra surperformé. Mais intéressant. Tout à fait, ouais. Il y avait quasiment, les Indonésiens étaient quasiment tous dans la partie basse de, ils étaient tous dans la moitié basse du tableau. Du coup, il y a eu pas mal de matchs entre eux, avec notamment Alfian Fikri qui ont battu Karnando Molana en 3-7. Benoît, Indra Roakin, leur chemin vers la finale a commencé au premier tour contre Adam Rossi, les Français. Et c'est les Indonésiens, vous avez compris, qui ont gagné 22-20, 15-21, 21-10. Et Benoît, donc déjà, j'étais un peu deg, surtout de ce premier set. Sur le coup, mais en plus après, quand je vois ce que font les Indonésiens, ça, je sais pas si ça rehausse la performance des Français, mais ils sont quand même pas loin de, même si bon, le troisième set est un peu dans un seul sens, mais je les ai trouvés pas mauvais. Ouais, moi non plus. C'est vrai que quand tu regardes le match à chaud, sans contexte, tu te dis, ah, tu prends du top 20 mondial, c'est dur, mais c'est pas le pire. Et bon, après, oui, je suis d'accord avec toi que ça rehausse un peu la défaite. C'est pour ça que c'est un peu intéressant d'avoir du contexte pour juger ce genre de match aussi. Exactement. Benoît, ceux qui ont mis le bazar dans le tableau et que j'attendais pas du tout, mais alors pas du tout, c'est Lundgaard Vestergaard, les Danois. Ils ont battu successivement Chiasso, tête de série 1 au premier tour, puis Midorikawa Yamashita dans un match de fou, 30-28, 15-21, 21-19, alors que les Japonais sont en forme en ce moment. Puis Choi Go, ma nouvelle paire préférée, encore un match de fou, 15-21, 22-20, 21-14. Finalement, ils prennent une petite correction contre Go Izzudin en demi, mais c'est vraiment, pour moi, c'était sur le papier limite une des paires les plus faibles du tableau. Alors, il y a peut-être des Indonésiens qualifiés que je ne connaissais pas, mais tout ça pour dire que je ne les attendais vraiment pas là. Ouais, c'était la grosse surprise du chef, très clairement. Et Benoît, la question que je te pose quand il y a ce genre d'exploit, c'était juste cette semaine ou alors il y a une place de numéro 1 danois à aller chercher? Non, ça peut être les deux. Hein. Bah, franchement, moi j'y crois. Oui, c'est pas une mauvaise paire. Après, franchement, ils sont déjà top 30 mondiaux et tout. Mais moi, je trouve qu'il y a un plafond. Alors, déjà, au niveau européen, mais Rasmussen, même s'il gagne pas beaucoup de matchs à l'échelle européenne, pour moi il y a encore un monde avec Lundgaard, Vestergaard quand même. Même avec Lane Vendy, tu vois, je parle de l'Europe là, mais même à l'échelle du Danemark, non, peut-être, je sais pas, peut-être que t'es pas du tout d'accord et que dans 3-4 ans ce sera eux les numéros 1, j'en sais rien, mais bon. Si, en vrai, j'y crois un peu. Enfin, moi, comme toi, j'y crois pas trop. Mais Benoît, ça me fait une transition parfaite vers Rasmus Rasmussen qui a encore perdu au premier tour. Et là, cette année, il perd au premier tour, mais contre des paires de plus en plus faibles. 21-16, 28-26 contre Oulin. Et en plus, Benoît, c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'il y a absolument rien qui tourne pour eux. Genre là, tu vois, ils perdent 28-26. Ils sont pas ridicules dans le jeu, mais... ils perdent tellement de matchs, tellement serrés, mais jamais ça passe. Je ne sais pas si c'est un problème mental ou quoi, mais je ne sais pas quoi te dire, parce qu'on disait la même chose la semaine dernière et la semaine d'avant. Ouais. Et tu parlais de paires que tu ne connaissais pas, mais je ne suis pas persuadé que celle-là, tu la connaissais. Si. Ils viennent de la province de Hangzhou. J'ai suivi leur match en club depuis qu'ils ont 14 ans. Si, t'inquiète, je connais. Je me suis dit putain merde, il les connaît vraiment en fait. Non. Non mais franchement c'est ça devient compliqué, ils sont dans un trou, ils jouent pas si mal. C'est ça qui est, c'est ils sont pas nuls. Ouais. Mais il va falloir gagner des matchs quoi. Enfin là, je veux dire le tirage il est quand même bon, Chiasso ils se font taper. Même Lane Vendy, bon derrière ils les auraient pas joués parce qu'ils font pas une bonne semaine. J'ai pas d'explication. Il y a un moment où bah voilà, tu gagnes zéro match, tu fais que reculer, t'es dans une spirale négative. Je sais même pas quoi te dire quoi, c'est un peu triste. Ouais, pareil. Et voilà, dans ceux qui en ont pas profité, Li Yang, tête de série 8, qui perdent au deuxième tour contre Indar Joaquin. Manti, qui perdent contre Gautama Isfahani, c'était tête de série 3, ils perdent en quart de finale. Et en haut du tableau, t'as mentionné Len Vendy, ouais, qui perdent au deuxième tour. Malheureusement, ils enchaînent pas sur ce tournoi un peu moins coté. Voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur ce double homme. Petite stat, est-ce que tu sais quand est-ce que la Malaisie a gagné 3 tableaux dans un seul tournoi ? Alors non, je sais absolument pas. C'était il y a longtemps ? Indice, c'est jamais arrivé déjà sur le World Tour. Ah ok, donc le World Tour c'est quoi, 2018 ? 2018, ouais. Ça devait peut-être être à l'époque où il y avait Gotan, Li Chongwei et je sais même pas te dire un autre tableau où ils auraient pu gagner, peut-être en mixte, je sais pas, non. Comme je suis un gars sympa, je vais te le dire, il y avait Li Chongwei, c'était au Finals de 2009, mais t'as aucun des deux autres tableaux, c'est le double dame et le simple dame. Oh, ah ouais, waouh. Voilà. Voilà, avec des joueurs, alors peut-être que certains vraiment... fous du circuit, ils reconnaîtront, mais même moi, quand j'ai vu les noms, j'ai fait attends, mais je crois ne pas les connaître. Voilà. Je prenais pas trop de risques. Je prenais pas trop de risques en disant qu'il y avait Li Chongwei dedans, mais c'est vrai que c'est. Oui, bah. Ouais. C'est vrai que c'est très surprenant. Ok, ouais. Donc, du coup, je regarde les noms, je les donne pour les grands malades qui peut-être se rappeler. Wong Meishu. En simple dame et la paire Wong Chin en double dame. Ouais, Benoît, là tes quiz ils deviennent un peu trop durs pour moi là. Ouais, il y en aura pas d'autres dans cet épisode, c'est promis. Allez, on enchaîne avec justement le double dame. Look at this, look at that. Et du coup, on reste sur du double dame avec de la Malaisie qui gagne, mais malheureusement, qui gagne sans combattre, puisque pas de finale. Les japonaises Arisa Igarashi et Miyu Takahashi forfait, puisque Takahashi avait de la fièvre, et donc malheureusement, elles n'ont pas pu jouer du tout. Elle n'est même pas venue chercher sa médaille, je crois. Il me semble qu'Igarashi était toute seule. Donc, pas de finale, alors que pourtant, c'était un match que j'attendais un peu, donc un peu déçu. Benoît et Tina qui ont galéré contre tes chouchoutes Corbett Guy au premier tour, 21-15, 20-22, 21-19. Derrière, ça a été plus simple en deuxième tour, quart de finale. Elles ont battu les indonésiennes Maya Sari Rahayu en demi-finale. Benoît, dur d'être rassuré avec cette semaine. Alors, c'est pas de leur faute, mais elles jouent que des paires bien moins fortes. dont une où elles galèrent, les autres ça passe facile, et là où elles auraient pu le plus être challengées, au final, il n'y a pas eu de match. Donc tant mieux pour elles, Tanchina, ça peut les mettre en confiance, et puis maintenant on va voir ce que ça donne face. Va falloir battre les Coréennes et les Chinoises maintenant. Oui, maintenant elles avaient fait finale l'année dernière ou il y a 2 ans, maintenant que tu le dis, j'ai un doute, mais en tout cas, c'est, enfin, l'année dernière, tu vois, elles ont gagné que des 500, elles en gagnent déjà un cette année. Alors oui, je suis d'accord, j'aimerais, enfin, elles ont des opportunités de gagner mieux, il va falloir qu'elles y arrivent à un moment donné pour confirmer ce statut-là. Mmh. Maintenant, j'ai aussi envie de te dire, c'est aussi important de gagner quand tu galères. Oui, je suis d'accord avec toi. Benoît, on l'attendait pas vraiment, cette paire Igarashi-Takahashi. Avoir lu que c'est parce que Shida, la partenaire maintenant habituelle d'Igarashi, avait des tournois à faire au Japon. Et du coup, elle jouait avec Takahashi, une joueuse. On se demandait, la semaine dernière, après l'enregistrement, on regardait un peu, on était en mode, mais c'est qui Takahashi? Pourquoi Igarashi, elle va jouer avec elle et tout? Au final, c'est pas mal, la petite semaine qu'elles nous sortent, les japonaises. Elles battent la tête de série 5, Kusama Sari, les indonésiennes, assez facilement. Elles battent d'autres indonésiennes, Pratiwi Ramadanti, qui ne sont pas tête de série, mais c'est des joueuses qu'on connaît, Pratiwi Ramadanti, donc ça reste une paire assez solide. Et en demi, d'autres indonésiennes encore, les jeunes roses Setian Ingrum, en 3-7, 21-13 au 3e. Benoît, j'ai lu une petite théorie, je ne sais plus si c'est Ben Beckham qui l'a partagé sur Instagram, mais c'est que Igarashi jouerait mieux avec des gauchers ou des gauchères, puisque on sait qu'on connaît la carrière qu'elle a eue avec Watanabe, mais l'année dernière, elle va chercher aussi l'India Open avec Sakuramoto, qui est aussi gauchère. Bref, c'est quand même assez étonnant de l'avoir en finale là sur un 500, alors qu'avec Shida... Bon, c'est pas qu'elle galère, mais ça marche pas du feu de Dieu non plus. C'est pas la grosse folie. C'est assez intéressant d'avoir ce genre d'infos parce que Takahashi est comme... je viens de manger... Sakuramoto, tu viens de citer. Mmh. C'est des joueuses... bien sûr que c'est des super joueuses, mais c'est des joueuses assez middle à l'échelle asiatique. Takahashi, elle joue avec Kotake et elles sont genre 50 à peu près. C'est pas la grosse folie du double dame japonais quand on sait le nombre de joueuses qu'il y a et la place que certaines pourraient prendre. C'est assez intéressant, je trouve, d'avoir ce genre d'infos. Est-ce que du coup, il faut se poser la question de mettre Igarashi avec l'autre meilleure gauchère? Écoute, en tout cas, ça soulève ce sujet-là. Sinon, voilà, des paires qui sont passées à côté. Souline, qui était tête de série 2, qui perdent au premier tour. Des têtes de série 3, d'autres taïwanaises, Chang Yang, qui perdent également au premier tour. Là, on avait un tableau bien, bien dense. Ouais. Benoît, j'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que je pense que le double dame indonésien, ça va être à suivre cette année entre Ramadanti Rahayu, qui jouent ensemble une semaine sur deux. Là, par exemple, c'était pas le cas, mais il y a des jeunes pairs qui se font un peu les dents sur des 500 et qui vont pas tarder à arriver au-dessus. Je pense que ça va être à suivre, le double dame indonésien. Ouais, il y a une grosse densité. Par contre, je suis curieux de voir s'il y a une paire et s'il y en a une, laquelle ce sera, qui va un peu, tu vois, tirer son épingle du jeu, parce que je vois beaucoup de paires middle, beaucoup de joueuses qu'on mixe avec d'autres joueuses et ça marche pas. Je pense notamment à Rayu Ramadanti, qui sont quand même bien un cran en dessous du début de leur partenariat individuellement et dans leur paire aussi. Je suis d'accord avec toi, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Nous, on va vers le dernier tableau du jour, le double mix. Oh my goodness. Benoît, je sais pas ce que tu en as pensé, moi j'ai trouvé qu'en termes de nombre de paires présentes et des matchs, le mix, c'est le tableau qui m'a fait le plus kiffer cette semaine. Je sais pas si c'est le cas pour toi aussi. Largement, sans débat. Ouais. À l'image de cette finale remportée par une autre paire malaisienne, je vous avais prévenu, Chen To, les champions du monde, qui battent la paire peut-être du moment, Christiane Senboyeux, ouais. 15-21, 21-17, 21-11. Et Benoît, ce genre de match, ça fait partie des matchs où quand j'étais devant, après 1-7,5, je ne voyais absolument pas comment ça pouvait tourner en faveur des Malaisiens. Ils perdaient 1-7-0, donc ils perdaient 21-15, 12-10. Ouais. Et là, il y a eu réveil, je pense que sur les deux, mais surtout... To et Wei, ils ont réussi à emmener, bon déjà ils étaient, je vais pas dire à domicile, mais ils étaient largement plus soutenus, mais ils ont réussi à emmener le public, ils ont réussi à mettre de la folie un peu dans ce match et à renverser des Danois qui avaient l'air ultra sereins et insubmersibles quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que pendant un 7,5, on n'imagine pas que ça puisse tourner, surtout qu'il y avait le score, mais il y avait vraiment la physionomie du match. Mmh. Belle réaction, j'ai envie de souligner ça, de Cento, parce que Christian Senboyeux, on peut pas vraiment dire non plus qu'ils ont levé le pied. Même dans ce troisième set, le 21-11, il est presque dur parce qu'il y a, match dans ce troisième set. Mmh. Juste, tout tourne dans un sens et pas dans l'autre, mais il y a vraiment match pendant tout le match. Et le niveau de Christian Senboyeux, pour avoir une finale de ce niveau-là, il faut 4 joueurs excellents. Et Mathias Christiansen, il disait c'est probablement les 2 meilleures semaines de notre carrière. J'irais même jusqu'à dire les 6 meilleurs mois, moi, depuis leur retour. Honnêtement, ils n'ont pas grand chose à envier actuellement aux champions du monde que sont Cento, tu vois. Ouais, c'est clair. Et quand on voit le niveau de Christian Senboyeux, je pense à certaines paires, Benoît, ça leur ferait peut-être du bien d'être suspendu un an. Je vais pas citer de. Évidemment, mais ça pourrait. Visiblement, c'est magique. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter sur cette semaine, mais Benoît, Cento, on peut faire un mini bilan, mais je trouve que le titre de champion du monde qui sortait pas de nulle part, mais pour moi, c'était pas dans mon top 3-4 oui. des favoris à ce moment-là, il a été digéré, même très très bien digéré, parce que finalement, évidemment, ils ne sont pas devenus imbattables parce qu'ils restent moins forts que les Chinois, que la paire thaïlandaise notamment. Mais je trouve que ça les a limite rendus plus forts que l'inverse. Ils ont gagné là en Australie en fin d'année 2025. Là, ils gagnent là et ils arrivent à renverser des scénarios qui ne sont pas bien engagés. Pour une paire qui pouvait plus se voir et qui voulait plus jouer ensemble il y a quelques mois encore, et c'était il n'y a pas si longtemps, et ben c'est pas mal. Ah bah, je suis totalement d'accord avec toi. Cento, ils sont 4 au ranking mondial, ils sont à leur place. Pour moi, il y a les deux paires chinoises, tu vois, et à Paris, les deux paires chinoises, bah, elles se plantent. Et Cento, ils n'ont pas laissé la place au doute sur d'autres potentiels favoris, tu vois. Mmh. Là où peut avoir un Ukropa et Sampran, on pas su en profiter. Bah, pour moi, Cento, actuellement, c'est vraiment les meilleurs des autres. Et je trouve qu'ils assument vraiment ce statut. Ouais, exactement. Benoît, d'ailleurs, on a eu le remake de la finale des mondiaux là en demi, où ils ont battu Zhang Wei 21-17, 21-12. Benoît, Zhang Wei, à partir de quand on commence à ouvrir ce dossier? C'est toi qui me dis. Bah, ils marquent le pas. Je vais pas te dire le contraire. Ils marquent le pas, mais avec le niveau qu'ils ont, ils feront quand même demi-finale sur tous les majeurs de la saison. Ah, tu penses? Bah, je pense que c'est tout le paradoxe du mixte actuel, c'est qu'il y a quand même une marge. Tu vois, ils perdent contre Cento en demi, sans être fou, ils battent Molana Jamil la veille, et je vois pas en fait, même Tom et Delphine, même d'autres paires, Guo Chen, tu vois, toutes les paires chinoises, ou d'autres paires, est-ce que vraiment Jiang Wei vont régulièrement perdre contre ces paires-là? Et moi, je pense pas non plus. Et voilà. Donc, ils feront un demi tout le temps en étant tête de série 2, 3 ou au pire des cas 4, tu vois. Benoît, l'autre demi, et après on passera sur les Français, elle était folle aussi. Christian Senboyeux qui bat Hidayatullah Pasaribu. Évidemment, les Indonésiens qui étaient à domicile et portés par un public assez toujours fou en Indonésie. 20-22, 21-19, 21-17 pour les Danois. Vraie grosse preuve de caractère de Christian Senboyeux parce que il n'y a pas grand-chose qui était pour eux. Ils doivent prendre ce premier set tous les jours. Ils se font remonter alors qu'ils ont des volants de 7. Ils sont su rester bien, bien costauds pour aller le chercher. Ouais, franchement, encore un super match. Christian Senboyeux, de toute façon, c'est mon top 5 de tous les matchs à regarder cette saison. C'est eux qui sont dans les 5. Dès qu'ils jouent, il faut regarder. Je suis d'accord, il se passe toujours des trucs. Mais oui. Non, mais ils jouent à un super niveau, honnêtement, il faut le dire, parce qu'il y a des paires qui jouent à un super niveau, mais qui n'entraînent pas le match dans un super niveau, eux, c'est le cas à chaque fois. Je suis d'accord, la salle était acquise à la cause des Indonésiens, qui en plus étaient plutôt showman, on l'avait vu la veille, enfin, ils allaient vraiment chercher le public et tout. Le niveau d'Alexandra Boyeux encore dans ce match, honnêtement, c'est fou. Voilà, je sais qu'on se répète chaque semaine et tout, mais vraiment, elle est à un step où je ne l'imaginais pas arriver. Et ouais, le niveau de la paire, ils sont en confiance, ils sont bons. Je dirais même pas, tu vois, que tout tourne dans leur sens. Ils sont vraiment juste très bons et ils jouent à un niveau de top 5 mondiaux. Parlons des Français, Benoît. Ils étaient dans la même partie de tableau. Et contre deux paires indiennes au premier tour, victoire plutôt attendue de J.K.L. Delery, tête de série 4, contre Kapoor Gaid, 21-9, 22-20. Mais j'ai peut-être plutôt envie de t'entendre sur la victoire de Mayo Palermo contre Kapila Krasto, 21-23, 22-20, 21-6. Benoît, victoire de Mayo Palermo contre les 19e mondiaux, franchement, je ne l'attendais pas, mais ça m'a fait bien, bien, bien plaisir. Bah, pareil, on s'était quand même déjà dit qu'il jouait beaucoup mieux. Maintenant, je suis d'accord avec toi, battre un top 20 mondial, c'est vraiment une super perf, surtout avec la qualité de jeu, encore une fois, qui monte depuis le début de la saison. Mais il fallait le faire. Franchement, super content pour eux. Honnêtement, s'ils gagnent des matchs comme ça sur des 500, des 750, trop cool pour eux. Et surtout, ça leur permet aussi de rester dans les points pour rentrer sur ce genre de tournoi. Malheureusement, parmi toutes les têtes de série qu'ils auraient pu affronter, ils tombent sur Tom et Delphine. Match à sens unique franco-français, 21-12, 21-8. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce match. J'attendais jamais de la vie une victoire de Mayo Palermo, mais j'attendais pas non plus un score comme ça. A priori, ce match, on pourra l'avoir dans une semaine et demie en finale des France. On espérera que ce sera plus spectaculaire si jamais on a ce match. Ouais, après, attention quand même aux paires de jeunes en mixte. Je suis curieux de voir, mais pour moi, c'est qu'une demi-surprise ce résultat-là. Déjà, ils se connaissent par cœur, et il y a un réel écart de niveau entre les deux paires. Ça, c'est pas offensant de le dire. Benoît, défaite de Tom et Delphine contre Hidayatullah Pasaribo, les Indonésiens dont on vient de parler, en quart de finale. Donc, les têtes de série 4 qui perdent contre les têtes de série 6. Ça avait pourtant très bien commencé pour les Français qui prennent le premier set 21-13 assez tranquillement. Et derrière, ils sont quand même assez dominés dans les deux autres, même si au score, il n'y a pas un tel écart, 22-20, 21-16. Quelle est ton analyse de ce match ? Que c'était un bon match, que oui, tu perds en quart, mais tu perds en quart contre une paire aussi tête de série, pas largement moins bien classée. Évidemment que je suis le premier à dire que Tom et Delphine, en plus... On l'a pas dit, mais dans notre premier tirage, on l'avait vu, il devait jouer beaucoup plus tôt Christian Senboyeux. Au premier tour, avec le jeu des forfaits, il les évite. Ils vont quand même chercher un quart, qui à mon avis, il n'aurait pas été cherché en jouant Christian Senboyeux au premier tour. C'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. C'est pas nul, parce qu'il y a eu un vrai match, mais c'est pas assez, parce que ce 21-16, allez voir les derniers points, il y a des mauvais choix. Alors, qui dit mauvais choix de Tom et Delphine dit sans doute aussi bon choix des Indonésiens, mais je pense que eux s'en satisferont pas, et nous quand on analyse ça, j'ai envie de les voir aller au bout de ces tournois là ou au moins dans un dernier carré et se taper avec les meilleures paires du monde. Ouais, exactement. Benoît, tant qu'on est là-dessus sur Hidayatullah Pasaribo, que du coup j'ai vu jouer contre les Français et contre les Danois, petit problème d'attitude de Hidayatullah, je trouve. Je suis vraiment pas fan de ce mec. L'attitude qu'il a avec sa partenaire, alors je pense qu'elle est un peu moins forte que lui, mais vraiment pas fan de ce qu'il fait quand elle rate un coup ou des trucs comme ça, vraiment, alors que lui en rate quand même aussi, évidemment. Mais ça m'a frappé, tu vois, ça m'a un peu frappé sur le match des Français. Du coup, j'y ai fait gaffe quand ils ont joué les Danois et je me suis dit, ah ouais, vraiment, ça va vraiment pas. Bon, il est encore très jeune, hein. Enfin très jeune, il y a 23 ans, mais voilà, je voulais juste le souligner parce que c'est mine de rien assez rare quand même. Benoît, j'aimerais t'entendre un peu sur ce qui s'est passé en bas du tableau. Alors Christian Senboyeux, ils ont un peu nettoyé, ils ont battu notamment Watanabe Taguchi et Guo Chen. J'aimerais t'entendre, je sais pas si t'as pu voir jouer Watanabe Taguchi sur le match qu'il gagne et celui qu'il perd, est-ce que t'en as pensé potentiellement? Ouais, je vais te dire ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai pas vraiment changé d'avis. Alors la paire fit mieux parce qu'elle se connaît mieux, j'arrive pas à y croire. Le niveau de Maya Taguchi, peut-être dans 3-4 ans, mais dans 3-4 ans, ce sera trop tard presque pour Yuta Watanabe, peut-être. Moi, quand je les vois jouer, parce que du coup, j'ai pas regardé leur premier tour, pour être très honnête, mais j'ai vu contre Christian Senboyeux, il y a un écart abyssal. Aujourd'hui, si on connaissait pas Yuta Watanabe... C'est un top 50 mondial, pas plus. Cette paire-là. C'est un peu triste de t'entendre dire ça, mais je comprends. Mais il y, y a peut-être que Taguchi jouera à un niveau top 10, mais aujourd'hui, j'arrive pas à y croire. Et j'ai l'impression qu'on est en train de manger des années de vie à Watanabe. Et là où l'Indonésie a parfois fait ces choix-là, de mettre un mec expérimenté avec un joueur moins, peu importe les tableaux, je dis mec, mais je veux dire joueur ou joueuse. Là, j'ai l'impression que le Japon a voulu faire ça. Mais pour moi, c'est un, pour l'instant un demi-échec. Mais t'as vu celle qui joue en, en double dame, là, Igarashi, ça pourrait peut-être faire un feat sympa avec Watanabe en mix, je sais pas. Bon, je balance des idées pour la fédération japonaise. Et puis après, n'hésitez pas à m'appeler, puisqu'elle cherche un gaucher. Benoît, en bas du tableau, Cento, donc on l'a dit, on fait le travail. Ils ont notamment battu les futurs champions du monde 2026, Taira Ratsakul, Taira Tanachai, au deuxième tour. Puis, Benoît, est-ce que ça, c'était sur ton bingo, une paire et donc le Singapourien Wijaya, l'Indonésienne? On voit peu de paires en Asie qui mélangent les pays, et celle-là, vraiment, c'était pas sur mon, sur mon bingo. Et le pire, en plus, c'est que c'est pas si mal, parce qu'ils ont battu Cheng Zhang et Toph Magelund, les deux en 3-7, avant de perdre face au futur vainqueur Cento. Voilà, je demande à voir, ça va être une petite attraction sympa à regarder. Ouais, il joue en Thaïlande aussi cette semaine. J'ai pas la prononciation, qui joue avec sa femme d'habitude. Je sais pas pourquoi ce partenariat. Je sais pas si toi t'as les infos. Géographiquement, les deux pays sont pas très loin, ça peut avoir du sens. Mais c'est vrai que c'est surprenant, parce que Vijaya, elle joue avec Ferdinand Tia. Y a d'autres gars avec qui on aurait pu la mettre. Ouais, c'est surprenant. Ouais, je pense qu'elle doit être hors fédé maintenant, et que bah voilà, elle a trouvé un mec pas mauvais. Ouais. Voilà. Encore plus bas dans le tableau, tu l'as dit, c'est Zhang Wei qui ont battu les Indonésiens Maulana Jamil. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, Benoît, sur ce tableau de mix. Ou voilà, je le redis, mais si vous voulez voir des bons matchs, c'était sur ce tableau qu'il fallait aller regarder. Ouais, bah écoute, pareil, c'était probablement le meilleur tableau aussi en termes de densité, la qualité des joueurs, la densité un peu tout, c'était vraiment là qu'il fallait être. Ouais, il y avait aussi Golai, les Malaisiens qui ont perdu au premier tour, donc il y a quand même pas mal de paires assez bien classées. Voilà, Benoît, bilan, bon, c'était sympa, l'Indonesia Masters. Alors, ça passe après 1000 et 1750, mais il y avait toujours une bonne ambiance, quelques paires françaises, malheureusement, pas les perfs peut-être chez les Français qu'on pouvait attendre. Mais voilà, maintenant, on va voir ce qui se passe en Thaïlande la semaine prochaine. Ouais, bah après, la tournée, elle va décrescendo, donc c'est aussi normal en termes de joueurs, mais... Un 500 en Indonésie, on signe toujours, surtout avec cette ambiance-là. Voilà. Merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi. Eh ben, merci à toi Ewan, comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. Pas d'épisode pour nous lundi. On va skipper ce 300 en Thaïlande. S'il y a des perfs à retenir, on vous le dira dans nos épisodes des semaines d'après. On se retrouve donc dans deux semaines, on espère, le 9 février pour les championnats de France. Et derrière, il y aura les championnats d'Europe par équipe. Donc évidemment qu'on vous débriefera ça aussi. Et à plus long terme, en mars, grosse tournée européenne, vous la connaissez. German Open, All England, Swiss Open, Orléans Masters. On sera là pour vous débriefer tout ça. Merci de nous écouter. À la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们能。